littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoi que sur Campus FM 94 FM. Bonsoir et bienvenue dans Rien à voir quoi que sur Campus FM ou en replay quand vous voulez dans partout dans le monde entier. Nous sommes le jeudi 17 mai, il est 18h10, pardon pour le retard. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le groupe Cuarteto Tafí. Ils sont les voix de l'Argentine toulousaine avec Léonore Arispe au chant, Mathieu Guénez à la guitare, Ludovic Denis au bouzouki et Frédéric Teller, c'est comme ça qu'on dit, ouais, aux percussions telles que le cajón, les bongos et les congas. Et aujourd'hui, dans Rien à voir quoi que, en direct, vous allez pouvoir les écouter en live. Je l'espère, si la technique le permet, dans nos studios, avec une formation réduite, au chant, à la guitare et au bouzouki. À la réalisation technique de l'émission, il y a Marcos y Rafael, en stage à Campus FM, avec François dans les parages. Merci à vous trois, on est ensemble jusqu'à 19h, dans Rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et c'est tout de suite l'humeur de Lou. Bonjour Lou. Salut Anna. De quelle humeur es-tu aujourd'hui ? Ben, je sais pas trop. Il y a un truc qui me chiffonne, on peut dire que... C'est ton micro qui te chiffonne. Ouais, déjà, ouais, c'est très bizarre, mais bon, pourquoi pas, on essaye. On peut dire que je suis pas trop d'humeur aujourd'hui. Je me suis replongée dans mes cours de philo et je suis tombée sur un extrait de Sartre. Et ça a tellement résonné en moi que je voulais le partager avec vous, chers auditeurs de Campus FM. Donc c'est tiré de l'œuvre « L'existentialisme est un humanisme ». Donc je vous le lis, donc Sartre parle de l'homme. Je cite « Il se rend compte qu'il ne peut rien être, au sens où on dit qu'on est spirituel, ou qu'on est méchant, ou qu'on est jaloux, sauf si les autres le reconnaissent comme tel. Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre. L'autre est indispensable à mon existence, aussi bien d'ailleurs qu'à ma connaissance que j'ai de moi. » Fin de la citation. Ben tu vois Anna, quand je relis cette phrase, je me dis pas forcément que l'autre en question il est blanc, que c'est une fille hétérosexuelle à mon image quoi. Si l'autre est une sorte d'indice de moi-même, c'est qu'il est comme moi, donc que je ressemble à l'autre et que l'autre me ressemble. Finalement nous sommes pareils, c'est juste qu'il est un être humain qui fait des trucs d'humain, qu'il interagit avec des gens, plus ou moins, ça dépend des gens. Alors je comprends pas comment est-ce qu'on peut partir du principe que l'autre est forcément différent, qu'il est une entité comme ça autonome, étrange et informe, une masse incompréhensible dont on doit se méfier ou pire, qu'on doit dompter. Mais je voudrais comprendre. Moi, à l'école, on m'a souvent appris les guerres, celles de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou le fameux, l'unique, l'incroyable conflit israélo-palestinien qui, depuis le lycée, est devenu un conflit stagnant et opaque. Le 14 mai 2018, plus de 58 manifestants palestiniens tués et 2400 blessés sur la bande de Gaza. Mais pourquoi, bon Dieu ? Ma naïveté me rattrape toujours. Pourquoi ? Moi, j'aurais voulu qu'on s'arrête 3 minutes à l'école sur le fond du problème. Qu'on m'explique que les civils juifs et musulmans, ils se battent depuis 1936 pour une cacahuète, parce qu'on leur a pas permis de penser qu'ils pouvaient cohabiter ensemble. Est-ce qu'un seul gouvernement sur cette planète de singes aveugles et sourds aux cris du monde a fait autre chose que diviser ces peuples ? Ma sœur de 19 ans m'a dit hier. Mais je comprends rien, moi, à ce conflit. Alors on a pris le temps d'en parler, ensemble. Ça paraît fou vu de loin ce conflit, me dit-elle. On parle de gens qui se mitraillent pour une parcelle de terrain, alors que nous naissons et mourons à intervalles plus ou moins réguliers. Pourquoi met-il autant d'énergie à s'entretuer au lieu de vivre ? J'avoue ne pas avoir la réponse. Je refuse de partager l'idée saugrenue que les hommes ont soif de pouvoir, de sang et de manipulation. Mon petit cerveau refuse cette vision du monde. Alors Anna, si tu me poses la question, je te dirais que quand je vois tout ça, j'ai envie de me cacher les yeux, de me boucher les oreilles et de crier très très fort. Comme dans un mauvais cauchemar. Mais la nuit tombante, c'est encore là que les belles choses s'épanouissent le plus, tandis que le jour se heurte encore, malgré nous, à l'impeccable cruauté des hommes. Tu me prends un peu de cours, Lou, sur cette chronique d'un ton différent. Merci Lou, on se retrouve tout de suite après ça. Los poemas del alba que vuelan conmigo. La luz que el camino sopla encima del rocío. Eres tú. Silencio, eres tú, silencio. Canto y el sueño que salen del alma. La luz que el camino sopla encima de mi almohada. Canto y el sueño vigilan despiertos. La luz que el camino sopla encima de mi desierto. Eres tú, silencio, eres tú, silencio. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et en direct sur Campus FM, on vient d'écouter Claro de Rio par le Quarteto Tafi à l'occasion de la sortie de leur troisième album Semillas en janvier-février 2018 chez Inouï Distribution et de leur tournée actuelle en France. Trois dates proches de chez nous, le 19 mai à la Maison de la Terre à Poucharamet, deux dates à Toulouse, au Taquin le 25 mai et à la Salle Nougaro le 7 juin. C'est un concert réservé aux abonnés. Quarteto Tafi sont là avec nous en chair et en os. Bonsoir Léonore Arispe. Bonsoir. Bonsoir Ludovic Denis. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Guénèze. Merci Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation dans Rien à voir quoique. Quarteto parce que vous êtes quatre. Oui. Mais le quarteto c'est surtout un style de musique né à Córdoba dans le centre nord de l'Argentine. J'ai lu que c'était une musique surtout qui se danse plutôt qu'elle ne s'écoute. À l'origine, le quarteto se compose de quatre musiciens, contrebasse, piano, violoncelle et accordéon. C'est ça ? C'est à peu près ça. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à trouver une définition en français déjà. C'est vrai que quarteto, à la base, c'est, comme tu disais, c'est un style en fait qui vient de la province de Córdoba. Mais je t'avoue que quand le Quarteto Tafi est né, quand le nom du groupe est né, quarteto, c'est uniquement parce qu'on était quatre. Vous êtes quatre. Voilà, et que ça se fait beaucoup en fait dans la musique folklorique et populaire de nommer les groupes à partir de leur nombre scénique. Voilà, donc quarteto puisqu'on est quatre et Tafi, c'est plutôt relié au nord-ouest argentin, en fait, à la province de Tucumán, qui est une province qui est un peu... le nom vient de la petite ville, du tout petit village qui s'appelle Tafí del Valle, qui est un tout petit village qui est perché dans les montagnes, où il y a énormément de brouillard et où il fait un peu frais, voire froid. Et c'est de cet endroit un peu mystique, un peu magique, que naît la musique folklorique. C'est de cet endroit où la musique des peuples natifs aussi naît. Et c'est cet endroit un peu frontière, un peu charnière que nous est venue l'idée du nom du groupe. Vous venez de cette région, Léonore ? Moi, je viens de la province de Buenos Aires, mais on a eu l'occasion, le groupe, d'aller visiter ce petit village. Sinon, j'ai grandi dans la province de Buenos Aires. Et Ludovic Denis, vous venez d'où ? De la région parisienne, non, c'est de Paname. De Paname, du 77 plus exactement. Mathieu ? Et moi je viens de Toulouse, je suis né à Toulouse, à La Grave. Donc vous vous êtes rencontrés comment ? Le groupe, ouais. Je voulais laisser parler les deux autres parce que moi je me suis greffé à... Donc je pensais que Léo et Mateto voulaient parler de ça parce que c'est avant Léo, tout leur c'est rencontre. Alors Léo c'est Léonore et Mateto c'est Mathieu Guinness, le guitariste. Oui, c'est ça. Alors on s'est rencontrés avec Léo, on était pour la petite histoire voisins de CTU ici, de CTU Daniel Fauchet. Et on s'est rencontrés comme ça, on a fait de la musique, on se voyait, on jouait, et puis un jour elle m'a amené en Argentine, elle m'a dit il faudrait qu'on fasse ce voyage ensemble. Et on l'a fait, et on est revenu, et on a ramené le folklore dans nos valises. Non, on a décidé de faire un peu de musique ensemble avec Ludo. Et c'est comme ça qu'est né le quartet. Ah, je m'entends. Je m'entendais pas. On a des soucis techniques ce soir, mais tout va bien. Et c'est comme ça qu'est né le quartet Otafia avec Fred, le percussionniste que Léo connaissait, qui nous a rejoint, qui a mis ses percussions avec nous. Donc l'envie de monter un groupe argentin, c'était une évidence. C'était une évidence, surtout par rapport à ce qu'on avait vécu là-bas. Le folklore argentin du Nord-Ouest n'est pas du tout connu ici, pas du tout joué. Peut-être un peu plus aujourd'hui, depuis nous. Non, c'est pas. Non, mais on en entend un peu plus, ou alors c'est nous qui nous y intéressons plus, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, je connaissais rien de ça, et quand je suis allé voir là-bas, c'est des danses, c'est des musiques qui ont de l'énergie, c'est des rythmes super, et donc ça donnait envie d'en jouer ici. Léo ? Oui, et puis au-delà de ça, c'est vrai que la musique populaire, traditionnelle et folklorique du Nord-Ouest est un style qui nous a énormément touchés tous les quatre. Moi, j'ai bercé depuis ma petite enfance, je suis née avec cette musique dans les oreilles et dans le cœur. Ma mère me chantait et me chante encore des morceaux de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa qui m'ont accompagnée depuis ma petite enfance. Et puis en arrivant en France, c'est un style que j'ai un peu laissé de côté, et quand on a décidé de partir en voyage avec Mateito, on s'est totalement laissé imprégner par ce style, et en rentrant, la musique nous manquait, les chants nous manquaient, puisqu'il faut savoir que c'est un style qui se danse, mais c'est aussi un style qui s'écoute et qui se chante. Donc qui est un style qui est polyphonique, où il y a les sambas qui sont, c'est un style qui est c'est beaucoup quoi, plus... C'est quoi les sambas? Sambas, ce n'est pas là, avec un Z. Voilà, les sambas, c'est un style qui se danse, comme disait Mateito, en couple, avec un foulard, et c'est de la danse de la séduction, de l'amour. Et la chacarera, c'est un style qui est un peu plus joyeux, où ça ressemble un peu au sevillano, on va dire, espagnol, andalouse. Et ce sont des morceaux, comme toutes les musiques populaires et folkloriques, qui parlent de la terre, de la vie des paysans, de la vie des hommes, des femmes, du quotidien, du travail de la terre, de la difficulté. Atahualpa Yupanqui, qui pour le coup, lui, a ramené le côté plus social et politique au folklore. Le côté la dureté, la rudesse du travail, et c'est ce style qui nous a touchés tous les quatre, et qu'on a voulu dans un premier temps rendre hommage avec nos arrangements, avec nos styles, avec nos histoires et nos parcours, puisque Ludo ne jouait pas de la guitare, jouait du bouzouki. Du coup, on a pris le parti pris de ce folklore-là, le mélanger avec ce qu'on avait dans les mains et dans le cœur, c'est-à-dire un bouzouki grec, la guitare de Mateito et les percus afro-latines du percu. Vous anticipez mes questions. Alors le bouzouki, c'est ça, oui, Ludovic? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est, vous venez du métal, vous étiez du métal. Oui, donc rien à voir rien en à tout voir, ça. Quoi que. Mais, alors rien à voir quoi que. Hein. Ouais. J'ai lu le site. Hein. Ah voilà, bah, tout est dans le site. Et donc le bouzouki, c'est plutôt un instrument grec. C'est complètement un instrument grec. Donc comment est-il devenu argentin? Est-ce que vous pouvez le décrire déjà C'est comme une... Alors, apparemment... Un luth, une sorte de luth. Ouais, apparemment une mandoline, parce que plein de gens viennent me voir, mais ça ressemble à une mandoline, moi je sais pas. Voilà, apparemment. Il y a 8 cordes. Il y a 4 cordes doublées, donc 8 effectivement. Et avec une caisse arrondie. Hein, on peut dire ça, non? On peut dire ça très arrondi. Genre on imagine un ventre de femme enceinte hein, de bien 8 mois et demi. Ouais. Voilà, donc ça sonne méditerranéen, hein, totalement, voilà. Et donc moi j'ai découvert cet instrument en Grèce, hein, parce qu'il s'exporte très peu. L'idée, alors la question qui revient effectivement, pourquoi dans la musique argentine, c'est que même si on est parti de la musique argentine, depuis maintenant 2 albums, on fait nos morceaux, et donc on parle toujours de musique argentine du fait de Léonore et de nos origines. Maintenant, on fait pas de la musique argentine, puisqu'on fait de la musique avec un bouzouki grec, une guitare, et voilà. Donc c'est de la aux multiples horizons. Donc à la question... c'était quoi votre question, pardon? Je me suis demandé comment le bouzouki grec est-il devenu argentin, mais vous y avez... En fait, voilà, ouais, Léonore déjà avait répondu dans le sens où, à la base, quand on s'est retrouvés autour de la musique argentine, de toute manière, on avait chacun nos... L'idée, c'était pas de reproduire de la musique argentine, parce que déjà, on n'était pas capable. Et, parce que, comme beaucoup de folklore ou de styles originaux, je pense que quand on n'est pas natif, c'est vraiment dur de reproduire, parce que c'est quelque chose de culturel, de sanguin, qui est dans le cœur, quoi, vraiment. Et on a beau faire tout et ce qu'on peut. Et le métal, alors, oublié. Le métal, c'est plus mon truc. Le métal, j'ai oublié, du coup, parce que. J'ai oublié, non, enfin, du coup, j'en écoute encore. J'en joue moins, évidemment, beaucoup moins. Parce que au bouzouki, par contre, c'est moins évident, pour le coup. Ça pose plus de problèmes techniques. Et à part ça, oui, bah après, la vie évolue, les goûts évoluent, voilà. Et donc Frédéric, il a passé pas mal de temps à Cuba. Ouais. Lui, il mélange les sonorités afro-latines. Mm-hmm. Il joue de la batterie, mais aussi du cajon, des bongos et des congas. Donc ouais. Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là, ouais. Il n'y avait pas assez de place dans le studio. Il n'y avait pas assez de micro. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il a commencé lui avec un set, mais très simple, un cajon, je crois. En fait, à la base, il y avait un caron et des bongos petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se retrouve avec une mini batterie. Plus ça va, plus il rajoute. Bien que dernièrement, il a dit qu'il voulait plus rajouter de trucs. Parce que là, le dernier truc qu'il a rajouté, c'est un pad carrément pour envoyer des séquences, des choses. Bon. Où va-t-il s'arrêter, ça, on ne sait pas encore un vraiment. Un pad, c'est une pédale. Ouais, c'est un truc en gros sur lequel on tape, un boîtier sur lequel on tape pour envoyer des séquences, des sons. Voilà, on a décidé de mettre ça suite à l'enregistrement du dernier album où du coup en live on avait envie quand même de garder une certaine consistance. Voilà. Léonore, dans une interview de Musicophage, vous dites « En tant qu'artiste, nous nous devons de questionner le monde qui nous entoure, l'interroger dans nos textes et accompagner aussi bien que mal. Un contexte politique et social fragile et injuste, c'est présent dans tous vos textes ?» C'est présent de plus en plus. Il faut dire qu'au début, c'est vrai qu'au début de notre parcours et de notre musique, on cherchait peut-être quelque chose de plus musical. Voilà, on se cherchait. Maintenant qu'on s'est trouvé tous les quatre, il me semble essentiel, puisqu'on a mûri, comme Ludo disait, notre musique a mûri, notre engagement aussi, notre position dans le monde aussi. Et comme disait Lou tout à l'heure, voilà, les choses évoluent, les choses changent. Il y a des choses absolument abominables qui se passent au quotidien et on ne peut pas passer à côté. On voulait pas passer à côté. Et donc le dernier album, c'est Mijas, il est vraiment empreint de cet engagement que nous devons avec nos petits moyens qui le moyen d'un artiste, c'est-à-dire à travers l'écriture, la création, la composition, c'est notre petit engagement, c'est de mettre le doigt sur des choses qui se passent autour de nous, qui nous indignent, voilà, où nous devons forcément nous positionner. Alors c'est par rapport à la question des migrants, par rapport aux injustices qui se passent aussi en Amérique latine et en Argentine, par rapport aux montées des extrêmes droites qui arrivent de plus en plus. Et voilà, il y a un contexte qui est fragile. Certains d'entre nous sommes parents et voilà, donc on réfléchit aussi à tout ça. Et sans oublier, voilà, que notre musique aussi, est là aussi pour porter toujours un message d'espoir, d'espérance et de beauté. C'est Mijas, ça veut dire graines, hein, c'est ça? Oui. Donc c'est ça, des petites graines que vous planteriez. Voilà, exactement, un petit peu partout dans les cœurs et dans la terre. Le deuxième album, Tierra Adentro, Terre intérieure, et ce nouvel album, c'est Mijas, il y a une communion, il y a une spiritualité, il y a une fusion avec l'environnement, les choses qui nous entourent, la nature que j'aime, que nous aimons tous les quatre. Donc les morceaux parlent aussi de cet environnement, de cette nature, de cette beauté, mais aussi de l'environnement social et politique. Mais vous chantez toujours en espagnol, donc en France. Tout le monde ne comprend pas l'espagnol. Quel sens prend alors vos chansons si on ne comprend pas la teneur des paroles ? Alors, je fais un grand travail de contextualisation et de traduction pendant les concerts. C'est des choses qui me prennent énormément la tête et qu'on fait de manière collégiale, en plus, tous les quatre, pour que ça reste pas un concert ni didactique ni pédagogique, pour qu'il y ait du mystère et la beauté de la langue et aussi la musique, mais les textes ne me viennent qu'en espagnol. Voilà, c'est ma langue maternelle. C'est vrai que pour tout ce qui est rimes, phrases, j'étais imprégnée par toute cette musique, donc les textes me viennent en espagnol, les mots me viennent en espagnol, peut-être en français. Un jour, qui sait, mais sûrement d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce que j'écoute, je l'écoute en espagnol. Et donc, j'essaye à chaque fois de le contextualiser ou de dire quelques mots ou quelques phrases qui vont un petit peu refléter l'esprit du morceau. Je vous ai pas vu en concert, mais j'ai vu des vidéos, même si on comprend pas l'espagnol, dans votre présence, vos expressions, on sent que vous dites quelque chose, quoi. Et vous... On essaye. Ouais. Et vous, messieurs, vous chantez aussi sur certains morceaux, vous chantez tous les quatre. Oui, tout à fait. Oui. Bonne réponse. Bonne réponse. J'ai bon. Oui. En espagnol. Oui, on en chante en espagnol. Alors, nous, c'est pas notre langue maternelle, mais du coup, on pratique assez souvent cette langue aussi parce que, voilà, on est assez imprégnés de cette culture tous les trois de manière différente, mais quelque part. On est partis d'ailleurs tous les quatre aussi en voyage là-bas, donc on a pu pratiquer et voilà. Espagnol, Mathieu, ça va? Oui, ça va, à peu près. Ça, c'est où est-ce que je l'ai lu sur Facebook? Vous vous présentez comme un groupe de musique argentine fusionnelle. Alors, est-ce que c'est la musique qui est fusionnelle? Est-ce que c'est vous quatre qui l'êtes? C'est un peu compliqué toujours de devoir se décrire, mais il faut, et c'est une certaine réalité. Et quand on parle, il faut bien savoir de. Donc, on s'est tâté de quoi on parle. Musique du monde, c'est trop large. Musique argentine, oui, parce qu'on vient de là, parce que la Léonore est argentine, parce que. Et après, c'est compliqué parce qu'effectivement, un bouzouki grec, une guitare, des percussions, voilà. Donc, on parle de musique argentine fusionnelle ou musique d'Argentine et d'ailleurs ou mais ce genre de choses. Vous parlez quand même de folie norteña et de nostalgie campera. Ouais. Donc là, je suis pas allée chercher dans mon dictionnaire. Donc, je vais bien avoir quelques explications. La folie norteña, c'est la folie qui vient du nord. Donc, au nord de l'Argentine, la musique vient des villes qui sont très en altitude, qui sont très près du soleil et où il fait très chaud ou très froid selon les saisons. Et c'est vrai qu'il y a les carnavals, voilà, ce sont des régions qui s'enivrent énormément à tout niveau. Et il y a une sorte de folie, il y a une sorte de magie qui se passe près des cieux et de la terre. Et nostalgie campera, c'est la nostalgie, c'est l'Auguste Tango en fait de Buenos Aires. C'est la nostalgie, la mélancolie, la saudade, voilà, qui m'habite et qui habite aussi les musiciens. C'est toujours ça doit venir du tango sûrement, cette mélancolie qui nous habite tous et qui nous fait vivre aussi. Merci Léonore, je vous invite à vous installer, donc on va pas trop bouger. Léonore, vous allez vous lever, je pense. Pour votre premier morceau en live dans les studios de Campus FM. Alors, c'est un morceau issu de votre troisième album, Semillas, donc Les Graines, qui est sorti en janvier 2018. Le premier morceau que vous allez interpréter. Bientôt. Oui, allez. Viento Sureno, ça veut dire le vent du sud, Mathieu. Oui, et donc pour le coup, on en parlait tout à l'heure, c'est une samba, samba avec un Z, qu'on a composé il y a quelques années. Pardon, je m'accorde. Samba avec un Z parce que en espagnol c'est un S. Non, parce que c'est le style de musique qui vient de là-bas. C'est, à ne pas confondre avec la samba brésilienne, vous allez voir, c'est un poil moins dansant, un poil moins rythmé, mais très sympa. Donc on en parlait tout à l'heure, des danses en couple qui se font avec des foulards, qui sont très jolies. Et donc voilà, celle-là, on l'a composée il y a quelques années déjà, et elle est sur cet album Semillas. Et on l'adore. Donc Léonore Arispe est au chant, Mathieu Guénez à la guitare et Ludovic Denis au bouzouki. Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. Viento que arrasa la vida, viento que caza mentiras, viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va. Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va. Viento que abraza el camino, viento que se siente vivo, viento caliente del monte que viene bailando ardiente se va. Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va. Dame su frescura hermosa sureño y tráeme a mí, Cholita, ay, enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital. Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital. Viento que seca la tierra, viento despeja la sierra, viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar. Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar. Amigo y risueño, la samba que nace en los sueños, viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar. Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar. Dame su frescura hermosa sureño y tráeme a mí, Cholita. Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital. Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital. Donc, Léonard, c'est Viento Sureño. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson ? Viento Sureño, c'est l'histoire du vent du sud, qui est chaud, qui est frais, qui est beau et qui a la force, la vitalité de faire bouger des choses, donc le ciel, la nature, mais aussi les êtres et l'amour. Donc, il se trouve que c'est un personnage qui... Dans cette histoire que je raconte, qui observe ce qui se passe autour de lui avec le vent et qui à un moment supplie le vent de lui ramener le parfum de sa bien-aimée. Voilà, jusqu'à lui et jusqu'à son cœur. Et le deuxième morceau que vous allez interpréter, c'est Mi Corta Amarga. Donc là, c'est quoi comme que raconte Alors, Mi Corta Amarga, on parlait tout à l'heure d'engagement et c'est un des premiers morceaux que nous avons composé et on va dire dans l'engagement politique et social. On l'a composé dans le cadre de notre deuxième album Tierra Dentro et qu'on a repris et qu'on a rejoué cette fois-ci accompagné d'un quatuor à cordes pour ce dernier album Semillas. C'est un morceau qu'on a composé dans un contexte assez douloureux, qui était l'arrivée de migrants sur les mers méditerranées et qui m'a étrangement rappelé l'histoire de ma famille, de mes aïeux, qui, à la fin du 19e siècle, prenaient un gros paquebot pour aller migrer en Amérique latine et qui, suite aux crises sociales dans les années 2000, ont repris cette fois-ci un avion et qui sont arrivés en Europe. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on est voué, l'exil est rond, donc on est voué à faire des allers-retours, sauf que la vie des personnes qui arrivent actuellement sur la mer Méditerranée est beaucoup plus tragique que celle de mes aïeux. Et du coup, on s'est senti extrêmement bouleversé par cette réalité et on a écrit ce morceau qui s'appelle Mi Corta Amarga. Qu'on va écouter tout de suite sur Campus FM. Pensar cuando la noche se alarga, pocas razones para quemarse la garganta helada. Se aleja del puerto profundo el camino, ese reloj pasado y sube hacia el destino y llora mirando atrás. Y le canta melodías al mar y está solo y sin aliento. Se siente un loco sin movimiento, sin documentos. Sácame de acá, abrime otro lugar, déjame entrar y acéptame y vamos a bailar. Busca soñar cuando la noche se acaba, busca razones para quemarse la garganta helada. Puerto profundo va el camino, se acuerda del sueño pasado, aquí estaba vivo y llora mirando atrás y le canta poesías al mar y está solo y sin aliento, se siente un loco sin movimiento. Abrime otro lugar, déjame entrar y acéptame y vamos a bailar. Y quiero encontrar versos que rimen más, un trabajo sin abuso, callarme nunca más. Y quiero encontrar tierras con sal y mar, países sin fronteras, quitarme cada pena. Y quiero encontrar tierras que rimen más, un trabajo sin abuso, callarme nunca más. Nunca más. Muchas gracias. Je voulais simplement vous faire signe d'enchaîner avec le troisième et le dernier morceau qui est Yama tu boca mariposa, ta bouche de papillon. Ah oh, oui, c'est ça. Chanson d'amour, de rencontre, de corps. J'en ai pas mal. peux le dire au micro que j'ai les cordes neuves et il faut que je me réaccorde. Pardon, désolé. Il n'y a pas de souci, Mathieu, accordez-vous. Vous changez vos cordes souvent? Bonne question. Tous les... Je sais pas, tous les deux mois. Ça dépend comment je joue. Et là, je joue beaucoup, donc tous les deux mois, disons. Un mois ou deux mois, ça dépend. Et donc, les cordes neuves se désaccordent quand vous jouez? Oui, les cordes neuves ont tendance à se... Il faut les faire un peu et ensuite, ça... Et ensuite c'est bon. Ça va bien, voilà. Merci. Allez, vamos. Sabor a miel, la curva de tu nariz, la primavera eterna, la trinchera de tus caderas, será eso. Mírame de día con café y sandía, mírame debajo de los pies y verás a la luna te sonríe. Café y sandía, mírame debajo de los pies y verás a la luna te sonríe al revés, te sonríe al revés. Ay, ay, ay, trinchera de viento, la sonrisa de tu aliento, la curva de tu nariz, el rumor del viento, la ira, ira, Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Merci Quarteto Tafi pour ce live coloré. Alors ce troisième morceau, Tu Boca Mariposa, Léonore, il parlait d'amour, vous disiez. Ouais, il parlait d'amour et il se trouve que c'est un morceau donc, qui a été composé pour ce troisième album et qui parle... Il parle d'amour, alors tout est amour, tu me diras. Sans vouloir non, être trop, tout, trop chrétienne ni trop spirituelle. Mais après, voilà, j'aime la poésie, j'aime les métaphores, j'aime les mots qui se entrechoquent, qui se rencontrent, qui donnent bien dans le son et qui me disent des choses dans l'image, dans mon imaginaire et dans l'imaginaire, j'espère, des personnes qui nous écoutent aussi et qui nous voient. Donc oui, ça parle d'amour, de rencontres, même d'au-delà des rencontres, de quelque chose de plus charnel aussi. Et donc c'est un morceau qui est arrivé assez rapidement dans l'écriture et dans la composition et qu'on a voulu en plus rapidement mettre en clip. Puisqu'on l'a clippé grâce à Fiasco Productions. C'est une bande de copains, Julien Bresson, qui nous a réalisé un clip absolument somptueux qu'on vous invite à regarder sur YouTube, avec Raphaël Olive et Charline Stasia, qui sont des danseurs de danse contemporaine, qui nous ont fait le bonheur d'être les protagonistes de ce clip, et qui nous ont fait une proposition absolument radieuse de ce morceau, tout en danse, en toucher, en sensualité. Voilà, donc on est content, on est très content de ce morceau, puisque c'est une nouvelle couleur pour le coup du Quartetto Tafi. Quelle est la couleur spécifique de ce troisième album? Vous dites à propos de Semillas, Léonore, j'ai une question sémantique qui me vient. En argentin, il n'y a pas de « ye », c'est tu dis « je ». En fait, à Buenos Aires, nous sommes les seuls sur la terre entière à dire « Semillas ». Que à Buenos Aires et dans la province de Buenos Aires. Après, Semillas passe aussi. Ah ouais. Et bon, on peut dire Semillas si tu veux qu'on se mette dans le... Mais voilà, les deux donc, se disent correctement. À propos de Semillas, vous dites de nouveaux sons se rencontrent, des univers musicaux inédits se redessinent. Une nouvelle couleur musicale enveloppe les vers des compositions, vous l'avez dit. Chansons qui rêvent de vie nouvelle, de rencontres furtives avec le passé. Qu'est-ce qui a changé dans ce troisième album? Plein de choses, je sais pas, je vais écouter. Non, pas la question. L'album, j'ai pas écouté. Alors l'album, vous avez pas joué, c'est la... Non. C'est un cheminement. De toute manière, on est à chaque album, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle. Nous, là, c'est vrai que l'histoire fait qu'on était, on avait fait vraiment un premier album hommage au, je vais pas redire ce qu'on a dit en début d'émission, hommage au folklore. Donc, on avait fait un deuxième album, Tierra Dentro, où on a voulu s'approprier un peu ça, etc. Le troisième, il se détache encore plus, on va dire, de ça, et il est encore plus personnel, on va dire ça, comme ça. Mais c'est une évolution, de toute manière, je pense que pour chaque artiste, un album, c'est une aventure, c'est des rencontres, c'est quelque chose. Donc, je ne sais pas comment dire, qu'est-ce qui caractérise Semillas en particulier? On retrouve tout ce qu'on aime, c'est-à-dire du rythme, de la couleur, mais aussi de la mélancolie et des mélodies un peu qui peuvent être un peu tristes, mais gay. Voilà, ça mélange de tout ça. Vous parlez aussi de la profondeur des pays lointains. Là, c'est plus une question pour Léonore. Est-ce que vous vous éloignez de l'Argentine depuis Toulouse ? J'ai jamais été aussi près depuis qu'on a composé cet album de l'Argentine, en fait. Donc oui, on est loin géographiquement, mais je dis toujours que la meilleure manière pour moi d'être en Argentine, c'est de la chanter, de chanter mes textes et de jouer avec le Quartetto Tafi. Donc c'est pour moi... Alors c'est compliqué, peut-être que ça mérite une psychanalyse, mais j'écris... Courte, oui, oui. Mais enfin, voilà, j'écris dans ma langue maternelle. Ma langue maternelle est liée à l'Argentine, mes parents sont argentins, donc et j'ai vécu là-bas. Donc forcément, lorsque j'écris, il y a des choses de l'Argentine qui se voit à travers mes textes. Mais après, comme disait Ludo, voilà, ce troisième album, et ce qui le caractérise, c'est on a décousu justement tous les carcans qu'on avait un petit peu construits lors du premier album. Toutes ces structures qu'on essayait un petit peu de mettre en place, on les a totalement décousues et on s'est totalement lâchés, en fait. Tous les quatre, on a vraiment laissé parler. Je parle surtout au nom du percu qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le premier à dire que ce troisième album, c'est l'album de la liberté. Puisque de la maturité. De la maturité, ouais, voilà. Mais là, alors, quand c'est plus la liberté, c'est liberté. Plus, très très bon mot. Liberté par rapport à nous, ce qu'on avait, on était un peu très influencés par cette musique du Nord-Ouest. Et là, forcément, on l'est sans doute encore un peu, mais je pense que le mot, tu l'as dit, on s'est senti plus libre. Jusqu'à présent, on essayait toujours un peu de coller à ça parce qu'on avait envie. Et puis, c'était un peu l'évolution de notre projet, même si rien n'est calculé. C'était comme ça qu'on le sentait. Ce troisième album, c'est pas forcément ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de... Bah, il se trouve qu'on a une base musicale maintenant qui nous caractérise. Donc, c'est comme ça. Mais par contre, on s'est accordé beaucoup plus de liberté. Voilà. Mathieu ? Juste pour compléter par rapport à ça, c'est vrai que la liberté, elle est dans l'album, mais elle est aussi dans le spectacle, entre guillemets, qu'on fait dans les concerts. Donc là, on parlait du 19 et du 25, du 25 au Taquin, 19 à Poucharamé. Mais c'est vrai que quand on... Donc, je vous invite à venir voir, surtout, parce que donc l'album, déjà, on se lâche un peu, on fait des structures un peu. Mais en concert, tous nos... les morceaux qui sont dans l'album sont vachement changés, ils évoluent vachement, ils bougent. Il y a un peu de, il y a un peu de tout. On change d'instrument, on fait, enfin ça, la liberté, elle est aussi sur scène. Effectivement. Comment vous partagez le travail de composition des morceaux et d'écriture? L'écriture, Léonore, c'est vous, et la composition des morceaux? On travaille de manière assez collégiale et. Je l'avais dit, le verre d'eau. Donc, de manière assez collégiale et donc libre, encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Alors, ça peut partir, une composition peut partir d'une idée de mélodie, d'un texte, d'un riff, d'un kiff. Ça peut vraiment partir d'un rythme, de quelque chose. Voilà, tiens, il se passe ça, j'ai envie de parler de ça. Est-ce que... Voilà, donc quand on compose, chacun propose quelque chose et puis des fois ça peut prendre énormément de temps. Là, il y a un morceau qui nous, voilà, qu'on travaille depuis super longtemps. Ben, le morceau 238 qui est dans l'album Semijas. On en parlait il n'y a pas longtemps, je crois, 2 ans, parce qu'on n'arrivait pas, on n'était pas convaincus. Il faut vraiment, pour composer un morceau, pour le sortir, pour l'accoucher, il faut vraiment que tous les quatre, on soit vraiment émerveillés, vraiment emballés. Et ce temps-là, il peut prendre plus ou moins de temps. Mm-hmm. Donc après, il y a des morceaux, par exemple, comme Tu Boca Mariposa, qui sortent assez rapidement, mais on se fait beaucoup confiance aussi, tous les quatre. C'est très important dans la création de se faire confiance et puis de se laisser. Il vous arrive de faire des reprises en concert, par exemple, Mathieu? On en faisait avant et là on en fait une ou deux, un petit hommage à une voire deux. On fait une petite samba tout à la fin, un traditionnel. Et parfois on joue Tango Negro, qui est un joli morceau. Juan Carlos Casares. Merci. Vous lisez dans mes pensées. J'ai vu que vous avez été sélectionné dans le cadre du dispositif Jeunesse Musicale Française pour l'édition 2018-2019. De quoi s'agit-il? Alors on est super contents, super fiers, parce que il se trouve que c'est un projet, c'est un dispositif national en fait qui existe depuis plus de 20 ans et dont l'objectif de cette grande association, puisqu'au début c'était une petite association, puis maintenant elle arrive à être assez visible et avoir pas mal de visibilité nationale. L'objectif est de ramener les artistes dans les structures scolaires, dans les établissements scolaires, donc de maternelle jusqu'au lycée. Donc l'objectif, voilà, c'est que les artistes se déplacent, aillent rencontrer les enfants, fassent un concert dans un milieu scolaire et aussi profiter du fait que les artistes soient dans cet établissement pour proposer peut-être en parallèle un concert dans la ville ou dans le village. Et du coup, on a été sélectionnés donc pour la prochaine saison. La saison commence à se mettre en place. On va partir un peu partout en France, c'est super. On va du nord jusqu'à, bon là, on va aller à Auch, ensuite on va aller dans le Mans, dans la Sarthe, enfin je sais pas, plein de villages un peu et de grosses villes en France. On propose un concert et ensuite on propose la plupart du temps un petit atelier, un échange avec les enfants à bord de scène et puis un petit atelier. Donc Fred, qui est prof aussi de percu, proposera un petit atelier percu. Peut-être nous, on va proposer un atelier d'écriture. Et voilà, l'objectif, c'est de vraiment faire des concerts pour le coup plus pédagogiques, pour que les enfants s'en prennent davantage de notre univers en tant qu'artistes, mais aussi rattachés à l'Argentine, à la culture, à l'histoire de l'Argentine. Donc, ça va être une belle expérience, je pense. Les dates qui sont visibles sur votre site, c'est dans ce cadre-là? Certaines, oui. On va le spécifier, d'ailleurs, puisqu'il y a des concerts qui sont uniquement en milieu scolaire et d'autres qui sont tout public, dans lesquels n'importe quel public de la ville peut s'approcher et venir nous voir. Et enfin, dernière question concernant la promotion du groupe. Qui s'en occupe? Est-ce que vous avez un agent? Parce que c'est aussi beaucoup de travail. Mmh. Mathieu, par exemple, c'est vous qui nous avez contacté pour cette interview. Oui, c'est vrai. Alors, on se partage un peu. On a créé notre propre boîte de production qui s'appelle Tierra Dentro. une association qui nous permet de nous déclarer tout ça. Bon, c'est des histoires techniques, mais on n'a pas de tourneur, non. On fait tout nous-mêmes. On se partage un peu le travail. Ludo en fait beaucoup. Et donc, moi, je t'ai contacté parce que je m'occupe. J'étais sur les radios. Oui, on est autonome, c'est notre liberté encore une fois. On est très heureux de ça, mais aussi, à bon entendeur. s'il y a des tournées, des diffs, des gens qui bossent dans la diff ou des boîtes de prod qui veulent bien collaborer avec nous, c'est avec grand plaisir. Mais en même temps, on jouit aussi de cette liberté qui nous permet de faire ce qu'on veut, donc à tout niveau. Donc on peut se permettre de jouer dans des structures associatives qui n'ont pas beaucoup de budget. On peut aussi se permettre de jouer dans un centre culturel, de faire des belles scènes et aussi dans des gros festivals aussi. Donc on a cette palette qui nous permet d'être assez mobile. Mais après, c'est énormément de travail. Donc Matteo l'a dit, Ludo qui est peut-être la personne qui travaille le plus et qui démarche le plus. Mais moi, en même temps, il ne faut pas trop le dire parce qu'après, il y a double casquette qui se joue. Mais en tout cas, oui, on est tous les quatre hyper actifs sur cette question-là. Merci beaucoup, Quartetto Tafi, d'être venu faire un tour dans Rien à voir, quoique. Je rappelle donc que le Quartetto Tafi est composé de Léonore à la rispe au chant, Mathieu Guénèze à la guitare, Ludovic Denis au bouzouki et Frédéric Teller aux percussions. Et donc je rappelle vos prochaines dates de concert, donc le 19 mai à la Maison de la Terre de Poucharamet. Deux dates à Toulouse, alors le Taquin, chez nos copains, le 25 mai à la Salle Nougaro le 7 juin. Donc ça c'est un concert réservé aux abonnés. Donc, il faut être abonné à la salle pour y aller. Exactement. OK. Et puis, il y a le 22 juin au Festival des Voix à Moissac. Ça, c'est dans le Tarn, encore dans le Tarn. Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Le 30 juin à Itzac. Ouais, non, 80. Je ne sais pas, Ralbi, je crois. Mais... Et puis, il y a d'autres dates tout au long de l'année, de l'été dans la région, mais pas que. Vous avez parlé du Mans. On vous retrouve à Toulouse à la rentrée cet automne, au Bijou, les 11 et 12 octobre. Ça sera, du coup, ça a avancé. Ça sera la semaine d'avant, mais oui, sur le site. Ça sera début octobre, voilà. Ouais. Toutes les informations sont sur votre site, hein, y compris la vidéo, le clip dont vous parliez, Léonore. www.quartotafi.com. On peut vous écouter sur Bandcamp et télécharger vos morceaux légalement. Et vous êtes bien sûr présent sur les réseaux sociaux. Merci encore. Merci à vous. Merci à Radio Campus. On se sépare avec un morceau du groupe Gotan Project qui dit de vous: le Quartetto Tafi apporte à la musique argentine un vent frais de créativité, de qualité et d'originalité. Yeah. Dans Rien à voir quoique, on écoutait Milonga de mi amor par Gotham Project. Des secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique. Sois affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, mais les matinales de Campus FM ont repris depuis lundi. L'émission s'appelle « Des potrons minés », une drôle de locution française qui signifie « au petit matin, aux premières lueurs du jour ». Et je salue d'ailleurs l'équipe de la matinale. Alors, il semble que le mot « potron » soit un dérivé de « poistron » qui signifie « derrière ». Le mot « jaquet » qui signifie « l'écureuil » est alors utilisé à la place du mot « minet », le chat. « Des potrons minés » signifie alors le moment où l'écureuil se lève et montre son postérieur. Et ouais. Toujours est-il que Des potrons minés sur Campus FM est animé par Anthony et Manon tous les matins de 7h30 à 8h30. À la réalisation, il y a aussi Marcos, Raphaël et François. Ce matin, ils recevaient Oligage de Tate Productions, société de production et studio d'animation créé à Toulouse. Et tous les matins, à l'aube, Des potrons minés, Manon propose un panier de produits frais. On écoute ce qu'il y avait ce matin dans le panier de Manon. Je voudrais commencer à déballer mon panier en rendant d'abord hommage à mon ami qui se tient en face de moi, notre invité, Oli, qui, comme on peut l'entendre par la consonance anglo-saxonne de son petit nom, vient d'une île britannique et plus particulièrement de l'Écosse. Donc pour commencer aujourd'hui, ce soir, une soirée dans le thème, il suffit de se rendre au bar à whisky écossais The Hopscotch et de participer au Haggis Quiz, dont la dernière manche mettra votre culture sur le pays à rude épreuve. Cadeau 100% scottish à la clé. Dans une autre ambiance, l'American cosmographe projette ce soir le film Audrey Lord, The Berlin Years 84-92 de Dagmar Schultz. Audrey Lord, si vous ne la connaissez pas, elle se définit comme noire, féministe, lesbienne, mère et guerrière, et c'est dans le cadre du colloque Critique féministe des savoirs 2, création, militantisme et recherche. Après l'Écosse et l'Allemagne, direction l'Afrique, avec du gospel sud-africain au taquin. Les chœurs de Umoya Gospel Journey se chargeront de vous coller les poils. Sinon, près de chez vous, ça se passe au centre culturel Bellegarde, où le duo d'artistes Isinori et le motion designer Ulysse Luc exposent dans le cadre d'un partenariat avec le collectif Indélébile, 18h30 à ne pas manquer. 18h30, c'est aussi l'heure à laquelle la 26e soirée Kinobouffe démarre au menu, je cite, 3 brochettes de court-métrage entrecoupées d'une entrée, d'un plat, d'un dessert végétarien. Simple et efficace, la thématique abordée est mai 68. Rendez-vous à la chapelle, autant vous dire que vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer. Enfin, aujourd'hui, top départ du festival Le Vent se lève à Job, et il y en a pour tout le monde. Des conférences gesticulées, des spectacles, des apéros-concerts, des débats, des ateliers participatifs sur le décryptage d'affiches, le détournement d'affiches, les goguettes, les monnaies libres, la création d'un média citoyen, de l'animation pour tous, sans oublier bien sûr que vous pourrez vous restaurer et siroter une petite mousse à la buvette. Ça se passe du 17 au 20 mai, c'est la 7e édition et c'est partout dans la ville. Vous trouverez le programme sur leur site collectif-job.com. Et rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Merci Manon pour ce gros panier de produits frais du jour. Demain, dans Des potrons minés, Anthony et Manon reçoivent Lola Janot et Richard Beunier pour le prix littéraire Écrire la ville, à la croisée entre un prix littéraire et un prix portant sur les études urbaines, l'urbanisme et l'architecture. C'est à partir de 7h30 sur Campus FM. Et Raphaël, il est l'heure de se quitter. Un grand merci à nos invités, Léonore Arispe, Mathieu Guénez et Ludovic Denis, du groupe argentino-toulousain Quartetto Fati, sans oublier Frédéric, le percussionniste du quartet, qui n'était pas là ce soir. Merci à toi, Lou. Avec plaisir, Anna. Merci beaucoup, Marcos. Merci, Raphaël. Et François, à la réalisation technique compliquée de l'émission ce soir. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM ou sur la page Facebook de l'émission dès demain. On se retrouve, nous, la semaine prochaine à 18h. Il est 19h12, on est très très en retard, mais Open Close n'est pas là ce soir, donc nous avons l'autorisation de déborder. Autorisation que nous prenons très largement. Belle soirée sur les ondes de Campus FM.